Donc, on est dans le titre, on achève. Et Seigneur, ça a dirigé cette semaine deux rencontres que j'ai faites avec une au téléphone, une en personne avec des chrétiennes qui ne sont pas de notre église. Mais qui a rapport un peu avec ce qu'on va vivre ici. Parce que ce soir, on va parler des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qu'on fait sont utiles pour les non-croyants. Les bonnes œuvres que nous faisons à l'entour de nous vont être utilisées par Dieu pour le non-croyant, pour l'amener au Seigneur finalement. Okay? Ça va être utile. Comme on a vu que les mauvaises œuvres vont déshonorer la parole de Dieu, les bonnes œuvres vont aussi honorer la parole de Dieu, c'est certain, ça fait l'inverse. Et il y a une sœur qui m'appelait d'une autre église, puis elles sont en train de. La PDJ est en train d'enlever leurs enfants. Et les enfants ont fait une plainte auprès de la PDJ. La DPJ. Je dis ce que je dis. PDJ. Je dis tout le temps PDJ. Ma femme a dit tout le temps, non, c'est pas ça, c'est. DPJ. OK, DPJ. Auprès de la DPJ. Et la madame a pété les plombs, a fait une dépression, je pense, madame. Et vraiment. Et là, elle est devant les non-croyants, et c'est les enfants de cette femme, de ce couple de chrétiens, qui font la plainte. Justifié ou pas justifié, c'est pas facile, c'était pas à moi de savoir ça vraiment. Mais elle a dit qu'en partie, ce qu'ils ont dit était vrai, puis en partie, ce qu'ils ont dit était exagéré. Donc, mais pour les inconvertis, entendre ça, ça ne va pas aider. C'est certain que ça ne va pas aider. Mais là, j'ai dit, si toi. Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Si tu crois que ce n'est pas justifié que tu enlèves tes enfants à cause de ce qui s'est passé, comment toi, maintenant, tu dois agir dans la conséquence? Puis là, ça va se décider le 16 juillet, elle passe en cours le 16 juillet. Et donc, il s'est passé des choses, et peut-être qu'en partie vrai, mais aujourd'hui, là, il y a une surprotection des enfants par la DPJ. Donc, si tu n'as pas le droit de taper un enfant, si tu le tapes, ils vont te les enlever. Si l'enfant fait une plainte de quoi que ce soit, ils vont prendre la part de l'enfant avant de partir. Donc, le parent est en généralement considéré quasiment comme coupable avant de partir. Avant de partir. Et c'est vraiment pas facile. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que toi tu dois faire maintenant dans la situation? Même si ça sert tout faux, qu'est-ce que tu dois faire? C'est rendu là, tu passes en cours. Maintenant, c'est à toi maintenant d'agir bien dans la conséquence, dans la règle. Si tu as fait du mal, si tu as fait des erreurs toi et ton mari, reconnaissez-le devant les enfants. J'espère que vous l'avez reconnu deux jours avant d'aller en cours. Et vous avez demandé pardon à vos enfants avant que ça y aille en cours. Et pour les choses qui ont dit que ça exagéré ou que ce serait pas vrai, maintenant, vous pouvez dire la vérité, mais maintenant, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous allez voir ça comme la main de Dieu dans votre vie à quelque part qui est en train de faire de quoi? Que vous ne comprenez pas trop pourquoi, mais c'est là. Ça se fait comme ça. C'est pas évident, parce que là, moi je voulais parler pour l'inconverti qui voit. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens ont. Puis là, la madame disait que les enfants avaient fait une plainte par rapport au tapage, le fait de se faire taper et de se faire amener à l'église forcé. Se faire amener à l'église un peu comme forcé. Les enfants qui avaient 11, 12, 13, 14 ans à ce coin-là. Ils disaient, on faut toujours passer à l'église, tout le dimanche à l'église, puis nos parents nous savons à l'église. Il y a eu une plainte de ce côté-là. Fait que là, le gouvernement, là, il fait de l'abus spirituel, de l'abus mental ou psychologique. Là. Fait que, la cruauté, quasiment. Parce que là, ils ont dit, nos parents nous disent qu'on s'en va en enfer, nos parents nous disent qu'on est pécheurs, puis que ça, on n'est pas correct, puis si on continue comme ça, on va aller en enfer. Pour la DPJ, pour les gens de la société, c'est une souffrance plus grande quasiment que l'abus sexuel, de te dire à un enfant, tu vas aller en enfer si tu meurs, t'es pas sauvé. Donc, maintenant, je dis, qu'est-ce que tu dois faire à travers tout ça, toi? Comment tu dois agir? Donc, j'essaie de le conseiller pour qu'elle puisse, si c'est vrai, reconnais-le, demande pardon, puis accepte la conséquence de ce qui va se passer. T'as pas le choix. C'est ça. Si c'est pas ça que tu as fait, maintenant, aime ces gens-là quand même, puis fais-leur du bien quand tu vas pouvoir. Tu vas avoir un avocat qui va te défendre, tu vas aller voir les conséquences que ça. Mais c'était pas évident, là. Parce que c'est surprenant, ça sent surprenant que des enfants allent à la DPJ pour une fois. Absolument, ça fait. Absolument, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui les écarte depuis longtemps, là. Quelque part, pour que ça. Parce que la maman, elle m'a dit, j'ai débordé parce qu'il y a eu, en tout cas, plusieurs épreuves. Son mari s'est coupé les tendons dans un accident, perdu son travail, elle a perdu son travail. Ça a fait toute une histoire. Ça a mis une tension dans la maison. Elle a perdu les plombs et bon, elle a tapé ses enfants. Donc c'est peut-être plus fort qu'elle a voulu ou peut-être plus bête qu'elle a voulu en temps normal. Parce que les enfants ne parlent pas d'avant. Fait que ça a été une longue période. Mais tu te dis, c'est quoi l'affaire? Pourquoi les enfants feraient ça une seule fois? Je comprendrais pas. Bon, en tout cas, ça, c'était un des cas. J'ai eu un autre cas que c'est une soeur qui, avec qui je parlais qui me dit que elle était à son travail, puis il l'a payé en dessous de la table quand il l'a engagé. Et là, elle a tué le chômage. Fait que c'est un classique qui tue le chômage, mais en même temps, il travaille en dessous de la table. Fait que là, elle s'est fait du secours, ça me travaillait. Seigneur me convainquait tout tranquillement. Là, on me disait, ouais, mais c'est pas. Tu essaies de justifier des fois. Hein. Finalement, elle te voit son patron, elle dit, je peux pas faire ça. Tu me dis, tu me payes normalement. Ben non, moi, elle dit, je suis chômage. Puis elle dit, je déclare que je travaille pas. Parce que si je travaille, si je marque que je travaille, ça marche plus. Fait que faut que je marque que je travaille, ou ben non, je marque que je travaille pas. C'est un des deux, mais il faut juste la vérité. Fait qu'il dit, elle dit, je veux pas marcher comme ça, j'aurai la paix avec Dieu. Puis elle a rendu une espèce de témoignage qu'elle avait fait un bout de chemin, qu'eux autres, dans l'erreur, mais elle dit, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Donc elle dit, le monsieur dit, non, je te paye pas sur la table, ben je vais te donner ma démission. Et elle s'est retirée de son travail. Donc, ça, c'est un autre côté d'avoir un bon témoignage devant les inconvertis. Lui, ils peuvent rire d'eux autres, comme il pourrait dire, waouh, tu sais, ils sont sérieux ce monde-là, dans leurs affaires, tu sais. Fait que, tu peux pas programmer la réaction d'un converti. Mmh. Mais toi, tu le fais pour Dieu, parce que Dieu te le demande, espérant que ça va rendre un témoignage à cette personne-là, qui va voir que Dieu est plus important dans ta vie que l'argent ou la job ou quelque chose d'autre. Donc, et ce soir, on va regarder que notre façon d'agir peut aider ou nuire à l'inconverti. Et la parole de Dieu dit dans Pierre de faire des bonnes œuvres et que de faire du bien aux inconvertis, même s'ils nous font du mal, afin que quand le Seigneur va les visiter, ils vont se repentir, ils vont accepter. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, notre tendance, je crois que tous les chrétiens peuvent, dans leur vie chrétienne, peu importe la longueur de vie que nous avons, on peut avoir des bons moments et des moins mauvais. Moins bon moment avec les inconvertis. Étant pas parfait, ils peuvent nous prendre à défaut, c'est bien sûr. Nos enfants, s'ils ne sont pas convertis, peuvent nous prendre aussi à défaut parce qu'on n'est pas parfait non plus. Mais ça, nous prendre à défaut, c'est un moindre mal si on est capable de réagir chrétiennement quand ils nous le disent. Hey, ce que tu fais là, hier soir, j'étais à Rundem. Et Denise Boyer m'a passé un livre, un article de journal. D'un monsieur qui a écrit un article contre le christianisme, bien entendu. Lui, c'est un évolutionniste, puis un darwinien, puis en tout cas, tout ce que tu voudras. Puis il dit les chrétiens ne sont pas corrects, ils ne sont pas vrais. Il dit 98% ou 90% des Américains, lui, c'est aux États-Unis, qui disent être chrétiens, qui croient en Dieu, que la Bible est la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas là, ils ne sont pas conséquents. Ouais. Puis il dit à chaque fois que je leur dis, je leur pose une question. Je leur dis est-ce que ça t'arrive de te masturber? Les chrétiens, des fois, ils ont l'air fous un peu. Des fois, ils disent non. Des fois, ils disent oui. Je dis, si tu seras vraiment conséquent, tu ne te masturberas pas devant ta mère. Donc, comment ça, tu te masturbes devant Dieu? Si lui te voit, tu feras vraiment ça. Puis là, je dis, à cause de ça, pour lui, Dieu n'existe pas. J'ai dit, c'est un argument très faible, comme... Très vulgaire, puis très faible. Parce qu'il y a des affaires que j'ai faites devant ma mère, puis d'autres affaires que je ne ferai pas devant ma mère. Parce qu'il y a des tabous, il y a des affaires dans notre société qui ne se fait pas. Son argument n'était pas logique, vraiment, puis pas très bonne. Mais surtout, il voyait une inconséquence dans sa tête. Mais j'ai dit à Denise, puis à Paul, j'ai dit, veux-tu, parce qu'il commence au milieu de la phrase. Tu peux dire, Dieu a créé le monde, qu'est-ce qui est arrivé, comment est-ce qu'il est là maintenant, c'est quoi un pécheur, puis qu'est-ce qu'un pécheur fait devant son Dieu, puis comment est-ce que tu pécherais pour être se repentir, même s'il fait des choses devant Dieu. Donc, il faut juste dire, ah, tu vois, tu es inconséquent. Tu es inconséquent, donc, Dieu, c'est pas vrai. Tu fais juste semblant. Je crois que c'est mal s'il l'a fait et s'il ne l'a pas fait. Mais son argument n'était pas valable. Mais il cherchait des bébites noires chez les croyants pour prouver son point comme de quoi Dieu n'existe pas. Parce qu'il est un athée. Excellent. Donc, ce soir, on va voir que l'apôtre Paul va parler aux croyants de Crète pour leur rappeler des choses. Je vais poser une question avant qu'on aille plus loin. Est-ce que nous avons tendance à... Est-ce que les chrétiens ont un complexe de supériorité envers les non-croyants? Ben, là, c'est parce que tu généralises. Je généralise. En général, est-ce que les croyants ont tendance à se croire meilleurs que les inconvertis? Meilleurs, c'est-à-dire moins pécheurs? Oui, ils font moins pécher, ils sont des meilleurs citoyens, des meilleurs maris, des meilleures femmes, des meilleurs ci, des meilleurs... Je pense que tu veux qu'on dise oui. Mais je ne veux pas que tu dises oui, mais dans le sens, est-ce que c'est une réalité? Justement, hier, quand on a réagi à l'article, on n'a pas réagi avec autant de compassion qu'on aurait dû réagir à l'article. On aurait dû avoir plus de compassion pour cet homme-là qui était perdu. Dire, on ne croit pas ce qu'il dit. On a une certaine compassion. Mais on n'a pas cette compassion-là tout le temps qu'on devrait avoir. On a du jugement. On a un jugement. Et je crois que le croyant a tendance à penser qu'il est meilleur dans sa vie que l'inconverti. Et l'inconverti le regarde faire. Et s'il le regarde assez longtemps parce qu'il est assez en relation intime avec, il va s'apercevoir que le chrétien aussi a des problèmes dans sa vie, des péchés. Là, il va dire, ah, toi tu. Il parle bien, puis là, ils ont le même problème que nous autres. Puis dans les statistiques qui sortent maintenant, dans différentes places, ils sortent les chrétiens à côté, puis ils disent, sois pas meilleur là. Tu divorces, je suis comme des abus sexuels, des abus de la pédophilie, il y a des vols. Ouais. Dans toutes les églises, des fois, ils vont généraliser dans les églises, on va pas juste le baptiste, mais ils vont généraliser. Les églises, le monde n'est pas meilleur que ceux qui ne vont pas à l'église. Mais ceux qui sont à l'Église ont tendance à penser, à cause qu'ils sont des pratiquants d'une religion quelconque, qu'ils sont meilleurs moralement que ceux qui ne pratiquent pas de religion. Un peu comme, on a l'exemple dans la Bible, c'est les pharisiens. Les pharisiens avaient vraiment l'impression d'être des meilleures personnes que le reste de la société. Ouais. Jésus leur dit, non, vous êtes des hypocrites, vous n'êtes pas meilleurs. Vous n'êtes pas meilleurs. Mais ils avaient l'impression d'être meilleurs. Et je crois que ça nous joue des tours des fois dans notre vouloir, dans notre impact avec les inconvertis. Parce que même si on ne le dit pas, si c'est ça qu'on vit à l'intérieur, ça se transpose. Dans nos relations de couple, dans nos relations avec nos enfants, si on a l'impression qu'on pense qu'on est meilleur que l'autre, ça va transparaître dans nos gestes, dans nos paroles, de toute façon. On pense qu'on est meilleur. Là, on va dire, tu te penses toujours meilleur que nous autres. Parce que tu ne lui as jamais dit que tu te pensais meilleur, mais elle l'a ressenti. Hein, leur senti par des paroles, des actions. Alors, on disait, ouais, lui, c'est un fin fini, il pense toujours qu'il est meilleur que les autres. Donc, c'est une impression qu'on laisse en arrière par des paroles, des gestes, des actions qu'on fait. Et l'inconverti aussi le voit. Puis, moi, j'ai sorti de l'Église catholique, pas parce que parce que les catholiques disaient quelque chose, puis ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Voyez-vous, c'est des catholiques pareils. S'ils avaient dit la réalité, je serais peut-être encore catholique. S'il avait dit, on a des problèmes, on a des luttes, on a des conflits, on a des problèmes, on vit des luttes, mais on combat dans la prière, peu importe si c'était pas les bonnes prières, tu sais, j'aurais pu comprendre ça. Mais il se présentait plutôt comme des postes proches que des saints, puis toi tu rentres dans le moule parce que tu veux rentrer dans ce moule-là, et là tu t'aperçois que c'est pas vrai. C'est de l'hypocrisie, parce qu'en arrière, c'est pas la réalité. Et on a des doubles vies. C'est un hypocrite, c'est ce que ça veut dire, avoir une double vie. Donc, il ne faut pas que le chrétien ait une double vie. Il ne faut pas paraître. Il ne faut pas faire les choses pour paraître devant les êtres humains. Il ne faut pas faire ça. Si on le fait, on le fait pour Dieu, par amour pour Dieu. Et oui, ça va avoir un impact sur les inconvertis. Mais on le fait par amour pour Dieu. Si on ne le fait pas par amour pour Dieu, c'est des péchés. Qu'on fasse ce qu'on voudra, c'est des péchés. C'est de l'orgueil, c'est de l'hypocrisie. C'est de vouloir bien paraître. On va voir un petit peu dimanche, j'ai dû condamner toutes les tapes à l'œil, tous ceux qui font. Vous paraissez bien au dehors, mais au dedans, vous êtes des petits peu que blanchis. Donc, Jésus condamne ça. Jésus aime mieux avoir un gars qui dit je suis un grand pécheur, c'est un grand pécheur, c'est un grand pécheur, il dit toi t'es correct, parce que tu sais ce que t'es dans la vérité, mais que l'autre côté qui dit moi je suis correct, mais c'est pas la réalité. Donc, on va tout voir ça en s'en allant. Et l'apôtre Paul, il dit à titre, en commençant, j'aimerais ça qu'on lise le verset 8 avant. Non, pas le verset 8. Comment ça que... Ah, j'ai tourné pour aller trouver mes affaires. Je suis plus dans le bon livre. J'ai j'ai tourné pour aller voir la fête de ta mère. Je comprenais ça. Verset 8, c'est marqué, ces paroles sont certaines. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui sont crus en Dieu s'appliquent à pratiquer le bon Dieu. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Là, le mot homme, c'est en général, c'est utile aux hommes, ces choses-là. C'est pas juste utile à nous, mais c'est utile à tout le monde de pratiquer ça. On sait très bien que si on fait du bien, ça va avoir un impact sur bien du monde alentour de nous. Comme si on fait du mal, ça peut avoir une implication sur 2-3 générations de monde, des fois. OK, donc... on va voir ça ensemble. Et l'apôtre Paul commence au verset 1 en disant « Rappelle-leur. » À qui? Aux chrétiens de Crète. « Rappelle-leur. » Aide-leur à se souvenir. Donc, dans notre relation avec le monde, l'apôtre Paul dit « On a tendance à oublier parce qu'on se croit meilleur. » C'est dur pour nous autres, les chrétiens, de lire les versets, dire soumettez-vous aux magistrats et aux autorités en place qui ne sont pas des croyants. On a l'impression qu'ils ne font pas correct. On a l'impression qu'ils sont pas bien, qu'ils font le mal la plupart du temps. Nos gouvernements, les autorités n'ont pas toujours une bonne réputation autour de nous. Puis on a de la misère à dire faut que je me soumette à ces magistrats, aux autorités, obéir. On a de la misère avec ça. Notre tendance générale, c'est plutôt de critiquer le gouvernement. Critiquer le gouvernement. Et de chialer avec l'autorité comme elle n'est pas juste, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. C'est notre tendance. Parce que moi, je me souviens, mon beau-père m'avait dit une fois, parlait du gouvernement, même, j'avais dit, M. Drochet, j'ai dit, moi, si on m'offrait le rôle de ministre, jamais j'accepterais. Jamais j'accepterais. J'ai de la misère à diriger 6 enfants. Bien comme il faut. 6 millions. J'ai dit, je ne voudrais pas être dans leur pantalon. C'est pas évident qu'est-ce qu'on va faire. Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits. Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits, loin de là. Comme au cas de nous, en tant que parents, on est parfait non plus. Mais j'ai dit, si vous voulez, la Bible nous encourage à prier pour ces gens-là. Si chacun de nous, on prierait plus pour eux autres et moins de critiques, probablement ça irait mieux dans notre société. Mais on a tendance plutôt à critiquer et pas prier. Ça, c'est notre tendance humaine. « Oh ben, si tu penses que je vais prier pour le gouvernement, cette gang de voleurs-là, tu vois, tout ça, ça, c'est son attitude. Je suis meilleur qu'eux autres. Donc, moi, prier pour ce monde-là, moi, non, non. » Donc, et quand on vient chrétien, il faut changer cette mentalité-là, puis dire, il faut que je me soumette aux magistrats, aux autorités. Faut attention, c'est pas... chacun de nous, si je vous dirais, est-ce que vous obéissez au gouvernement, on a tous nos limites avec l'obéissance au gouvernement. On a tous nos limites. Si le gouvernement nous dirait, vous arrêtez de lire la Bible, on dirait, non, on ne le fait pas. Donc, on a notre limite à faire ce qu'il nous dit. S'il nous dirait, vous mariez entre homosexuels, c'est correct. Nous, on dit, non, c'est pas correct, on ne fait pas ça. Si moi, on me dirait, François, faut-tu fous, tu les maries, tu es obligé parce que tu es ministre, je dirais, ben, je déclare démission, je ne suis plus ministre. Je vais travailler sans titre, s'il le faut, mais vous ne me ferez pas aller contre mes propres convictions spirituelles. Donc, mais je ne pense pas qu'ils vont me forcer, mais... s'il le ferait, on a chacun notre limite à quelque part. Donc, et c'est vrai qu'on fait attention que quand les chrétiens ont dit qu'il faut trouver son gouvernement, chacun a sa limite à quelque part dans l'obéissance. Comme travailler au noir, c'est pas toujours évident de travailler au noir. Pas toujours évident. Des chrétiens qui ont de la misère à pied, pas toujours évident. Et comme je disais à cette chrétienne-là, cette semaine, je disais, tant aussi longtemps que tu n'es pas obligé de mentir. C'est une autre histoire. Si quelqu'un, moi, me paye en argent, ça ne me fait rien qu'il me paye en argent. Moi, je leur dis, moi, je vais déclarer mon revenu en fin d'année. Je vais mettre ton nom sur mon apport d'impôt. Parce qu'ils vont me demander ce que j'ai fait sur ce revenu-là, je vais marquer ton nom. Ouais, mais fais pas ça. Fais pas ça. Moi, je suis pas responsable de ce que tu fais, toi, là. Mais moi, je suis responsable de ce que moi, je fais. Et moi, je vais déclarer à la fin de l'année que j'ai fait un revenu de 3 000 $. Moi, je reçois des dons des églises, des fois, qui viennent partout au Canada. Selon la loi, à cause que je suis dans le ministère, il faut que je déclare ça comme un revenu. Enfin, je le marque. À la fin de l'année, je marque reçu des églises baptistes du Canada, tant de montants d'argent. Je marque le montant que j'ai reçu. Parce que je sais que devant Dieu, il faut que je fasse ça. Mais tant que je ne suis pas obligé de mentir, je peux faire n'importe quoi. Si tu fais pas de facture, je n'ai pas besoin de facture, mais toi, tu fais ce que tu voudras avec l'argent. Moi, je vais faire ce que je veux avec la mienne. Je ne suis pas pour devenir honnête pour lui, mais il faut que je laisse honnête pour moi, dans ma relation avec Dieu. Donc, mon garçon, une fois, il faisait des affaires avec le gouvernement. Je lui ai dit, écoute, sois transparent, dis-le au gouvernement, puis sois honnête, puis appelle le gouvernement, demande-lui si tu peux faire ça. S'il dit oui, allez. Mais s'il dit non, peut-être, tu vas dire, oh, il y a quelque chose là. Puis si tu commences à cacher tes affaires sur tes rapports d'impôts, puis tu comptes des menteries, ah ben là, ça, mentir, c'est péché, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, c'est pas toujours clair, mais mentir, ça, c'est clair. Okay? Donc, il y a des façons, des fois, de trouver la volonté de Dieu, même si ce n'est pas toujours dit dans la Bible clairement qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, ici, il dit rappel aux chrétiens d'être soumis à ces magistrats, qui étaient la police dans ce temps-là. Le mot magistrat, c'est le mot police, vraiment. Ah ouais? Ouais. Parce que Dieu dit que j'ai donné l'épée aux magistrats afin qu'ils punissent les coupables. C'était les polices, dans le fond. Protecteur de la loi. Ouais, protecteur de la loi. Il y en a qui traduisent, j'ai vu qu'il y en a qui avaient traduit. Ben, juge. Avocat. Comment? Gouvernement. C'est des gens qui ont affaire avec la loi, okay. Les magistrats. Ouais. Donc nous, on n'utilise plus ce mot-là vraiment dans nos, dans notre langage au Québec, mais c'est le mot ceux qui font la loi, ceux qui protègent la loi, ceux qui font observer la loi. Et en même temps, je vous dirais que quand on est obligé de se soumettre ou d'obéir au gouvernement ou aux autorités, il faut regarder si ce gouvernement-là a l'autorité qu'il se donne d'avoir. Le gouvernement n'a pas d'autorité sur l'éducation de mes enfants. Il l'a pris, l'autorité. La société lui a donné. Il n'en a pas d'autorité. Dieu, il n'en a pas donné. Nous, la société, on a donné l'éducation, les soins médicaux. On a donné un paquet d'affaires au gouvernement. Mais ce n'est pas ça que le gouvernement y avait demandé. Ce n'est pas ça que Dieu y avait demandé de faire. La tâche du gouvernement, des autorités en place, c'était de protéger les citoyens. Donc, c'était l'armée, c'était les soldats, c'était protéger les citoyens. C'était pas de s'occuper maintenant, toi, tu n'enseigneras pas ça à tes enfants, tu ne feras pas taper ton enfant. C'est pas le gouvernement. Quand le gouvernement rentre dans ma vie avec ça, je dis, t'as un peu là, t'as un peu. Qui t'a donné cette autorité-là, toi? Qui t'a donné le droit de venir me dire quoi faire avec mes propres enfants? Je me suis déjà arrivé. Les deux ans du gouvernement sont venus, parce qu'on avait commencé une école à l'église, à Victoriaville. Le gouvernement nous dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Je dis, qui vous a donné le droit de gérer ça? Mais c'est les parents qui nous ont donné ce droit-là. Mais il dit, faites-le pour les parents qui vous ont donné le droit. Nous, on ne voulait pas donner le droit. Nous, c'est Dieu qui nous a donné la responsabilité de nos enfants. Ça a marché. Il a dit, OK, nous, on voulait juste vous avertir. Mais nous, Dieu nous a donné l'autorité de s'occuper de nos enfants. C'est moi qui vais rendre compte à Dieu pour mes enfants, ce n'est pas vous, c'est moi. Donc, je ne vous donnerai pas cette autorité-là sur ma famille. Je n'ai pas le droit de la prendre non plus. Ils se la donnent parce qu'on les laisse faire. C'est ça, parce que les gens ont délégué. Les gens ont délégué ça à ces gens-là. Ouais. Comme le côté médical, la garderie, tout ça. C'est la société qui a dit ça au gouvernement de faire ça. Et ce n'est pas la job que le gouvernement lui a donnée. Okay? L'autorité du gouvernement, faire respecter la loi pour protéger les citoyens. L'Église a le côté moral. C'est l'Église qui devrait décider si on devrait faire quoi avec les enfants, si on devrait faire quoi, si les homosexuels peuvent se marier. C'est l'Église qui devrait décider ça. Ça, ça a été donné à l'Église, cette responsabilité d'enseigner la parole de Dieu, d'être le porte-parole de Dieu, d'être le corps de Christ dans le monde. C'est nous autres que c'est responsable. Mais le gouvernement n'en tient pas compte. Okay? Donc, les enfants, c'est l'autorité parentale que Dieu a établie dessus. Donc, Dieu a délégué des autorités, mais des fois, on mélange les boîtes. Puis des fois, l'Église a pris des autorités du gouvernement. Les années 50, tous les prêtres n'avaient plus d'autorité que le chef de la police. Ils s'ingéraient dans les choses de la municipalité. Donc, autres, là, c'est l'Église qui allait trop loin. C'est ça que dans nos constitutions, on va dire, on croit à la séparation de l'État et de l'Église. Chacun sa boîte. Chacun sa affaire. Nous, on ne s'ingère pas dans votre affaire. Vous, vous ingérez pas dans notre affaire. On a chacun nos responsabilités. Donc, quand quelqu'un nous dit qu'il faut obéir au gouvernement, mais le gouvernement a-tu le droit de s'ingérer dans ce domaine-là de ma vie? On ne laissera pas le gouvernement venir s'ingérer dans l'Église, Dieu nous dit comment on doit faire dans l'Église. On dit non. On dit non. Puis comment les chrétiens, à travers les temps, se sont cachés, se sont réfugiés pour faire la vie de l'Église, parce que le gouvernement ne voulait pas. Ils n'ont pas obéi au gouvernement. Parce que le gouvernement n'a pas d'affaire à s'ingérer là-dedans. Mais ils se sont ingérés. L'Église a dit non. On va se réunir dans le cadre, on va se cacher sur l'autre bord. Mais on fait nos réunions quand même. Puis, je crois qu'ils ont très bien fait de faire ça comme ça. Donc, il y a une limite entre les deux, dans ce sens-là. Quand le gouvernement serait légal, puis l'Église serait plus morale. Morale et spirituelle, c'est le côté de l'Église. C'est légal, la loi. Ouais, la loi. Okay. Protéger les citoyens contre les abus, la guerre, le meurtre, quelqu'un qui veut te voler. C'est surtout le côté légal. L'ordre. C'est, parce qu'ils sont là pour garder la paix, amener garder de l'ordre dans la société. Mais des fois, ils n'ont plus d'autorité, puis ils n'ont plus qu'un autre. Parce que ça, ils en ont tellement. Puis là, on dit, ouais, mais le gouvernement, ouais, mais c'est qui a donné au gouvernement? C'est nous autres qui l'a laissé faire. Exact. C'est nous autres qui l'a laissé faire. Comme toute question du bien-être social, toute la pauvreté, c'est supposé être dans la famille et puis l'Église qui s'occupe de ça. Mais le gouvernement l'a pris. Pourquoi la société a donné ça? Parce que c'est plus facile de donner 20$, tu m'appelles, puis occupe-toi des pauvres. Moi, je m'en mêle pas de ça. C'est plus facile de faire ça que de dire, je vais m'impliquer dans la vie des pauvres, puis je vais être allié avec les pauvres, puis m'occuper des pauvres. M'en recevoir un chez nous, les pauvres. Puis, donc, on a délégué ça au gouvernement pour dire qu'on va te donner 100 millions par année, puis on paye, puis occupe des pauvres. Mais ça en occupe. Mais sans bénéficiaire sur le bien social au Québec, ça en occupe. Mais ça n'a pas d'impact dans notre vie à nous. Et si on s'en occupait nous-mêmes, ça aurait un impact dans ma vie, puis j'aurais un impact dans leur vie. Ouais. C'est comme General Boot, qui a fait qu'à partir de la nuit du salut, c'est ça qu'il a fait là. Ça n'existait pas dans le temps de bien social. On a commencé à s'occuper des pauvres, puis en l'espace d'une génération, ça a fait le tour de la terre, son histoire. Et beaucoup de monde se sont convertis parce que tout d'un coup, l'Église s'occupait des pauvres. Mm-hmm. Mais jusque en 1900, l'Église avait la réputation de s'occuper des pauvres, des orphelins. Mm-hmm. Puis depuis les années 1900-1920, l'Église a la réputation de toujours vouloir de l'argent. Mm-hmm. On a complètement changé la pensée de l'Église. C'est arrivé dans le même temps que c'est la société qui a donné ça au gouvernement. En même temps, c'est toute la force du gouvernement qui a pris place. Mais l'Église était. Quand tu étais pauvre, tu allais à l'Église enseignement. Tu allais à l'Église. Mm-hmm. Tu allais à l'Église, puis l'Église va t'aider. Mm-hmm. L'Église va t'aider. Les mouvements religieux vont t'aider. Les moines au bouddhisme vont faire la même chose. C'était reconnu, ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Puis même, on entend la télévision. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils sont toujours en train de vous demander de l'argent. Surtout, ils n'en offrent pas. Non. Ils en donnent. Non. Ils en demandent. Non. Je crois qu'ils en donnent parce qu'ils font comme d'autres. Ils envoient ça à aide, ils envoient ça à aide. Ils en donnent de l'argent aussi. Là. Mais ils ont la réputation, ce qui colle dans la tête des inconvertis, c'est qu'ils sont toujours en train de vouloir de l'argent. Donc, on n'a pas une bonne réputation de ce côté-là. Parce qu'on c'était raté à nous autres à s'occuper de ça. Mm. Donc, nous, on a dit, rappelle-là d'être soumis. Le soumis, ça veut dire de leur aider aux magistrats et aux autorités d'accomplir ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc, si Dieu leur a demandé de garder l'ordre, je devrais faire tout mon possible en tant que citoyen pour les aider à garder l'ordre. De suivre l'ordre moi-même, premièrement, et d'aider le gouvernement à garder l'ordre dans la société. C'est mon rôle. Et ça, on appelle ça de la soumission. D'aider l'autre à faire son travail que Dieu lui a confié. Je suis un aide. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon gouvernement? Suivre les limites de vitesse, ça fait partie de ça? Oui, je dirais, encore là, je ne suis pas sûr parce que je ferais ça à 100%, encore une fois. Okay. Je ne dirais pas qu'un chrétien qui s'en va à 91 fait un péché. C'est où la limite? C'est la loi qui tolère 10%. Oui, ça c'est des gens qui disent ça, mais la loi ne dit pas ça. Comme la loi va tolérer que je vole 5 cents, tu ne l'écouteras pas. Mais c'est voler 5 cents pareil. Parce que si c'est un péché voler, est-ce que c'est un péché d'aller plus vite que la vitesse? Mm. Et là, ça, je me pose la question, c'est du péché de faire ça. Et là, il y a des chrétiens qui vont dire fort, oui, oui, oui, c'est péché. Mais moi, je lui dis, si c'est péché, dépasser 90, 91, c'est péché. Comme 101, c'est péché. Comme 111, c'est péché. Mm. Mais comment est-ce que je vais savoir maintenant? Parce que des fois, la police est là, puis je passe à 115, mais elle ne m'arrête pas. C'est ça. Bon. Elle me laisse faire. Ah, il tolère. Ça, sur l'autoroute, il tolère jusqu'à 120, sur l'autoroute. Parce que la limite, c'est saint. Mais lui, c'est un magistrat. Okay. Alors, laissez-nous, magistrat. Dans tout, on dit, ouais, mais si tu penses qu'il ne fait pas son travail, donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Moi, je dis, vas-y avec ton cœur, toi, selon tes capacités, parce que, encore là, est-ce que c'est le rôle du gouvernement de faire ça? Mm. Jusqu'à quel point il doit gérer ça? Bon, ben, je me dis, mais il y a des principes qui disent, conséquent, mais aussi d'avoir de l'amour pour mes semblables. Donc, si je m'en vais à 140, je dirais que c'est mal la vie des autres. Ou je dirais un chrétien s'en va dans le bois, il est tout seul, il roule à 110. Je me dis, fais aller, moi, va-t'en à 110. C'est une personne qui va te faire mal, c'est à toi, c'est ensemble. Mais tu ne mets pas la vie des autres en danger, au moins. Mais si je m'en vais à 140, dans le tunnel Hippolyte, ça se peut bien que je mette. Ouais. Tu sais, il y a une espèce de jugement de bon sens. Puis, j'avais parlé avec des avocats de ça, chrétiens. Il a dit, la loi joue beaucoup avec le bon sens. Ça. Le bon sens. Moi, j'ai déjà posé sur le numéro rouge. Devant la police, à 4h du matin, il n'y a pas personne. Ah oui? J'ai dit, bon, ben, voir ce qu'ils vont faire. Ben, voir ce qu'ils vont faire. J'ai fait mon stop, j'ai arrêté, j'ai regardé comme faux, tout ça, j'ai passé sur la rouge. Après, ça a fait. Comme l'on dit, pas de danger pour personne. Ici. Si ça avait été sur l'heure du midi, il m'a arrêté tout de suite. Ah, ben oui. S'il y a un bon sens là-dessus. Bon. Puis c'est pour ça qu'on dit que si j'ai ma femme et elle est tentée de coucher, je vais dépasser toutes les vitesses de limite. OK? Pour aller à l'hôpital. Là, c'est plus péché. Pourquoi ça serait plus péché, là, tenir le coucher? Si il y a un bon sens à avoir. Mais mentir, si ma femme est tentée de coucher, c'est mentir. Je n'ai pas le droit de mentir, là. Ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Mentir, c'est péché. Passer sur un stop parce que ma femme est blessée, Dieu ne m'en veut pas pour ça, là. Même la société va comprendre ça. La loi est donnée avec une espèce de bon sens en arrière, que, hey, on veut protéger, mais on ne veut pas non plus encarcaner. Fait que, faut juger notre bon sens, notre intelligence, dire, est-ce que je suis en train de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de mettre la vie des autres en danger? Est-ce que, vraiment, est-ce que je manque de respect envers les gens? Si j'arrive au 4 stops, je passe avant tout le monde, est-ce que tout le monde me klaxonne des sacs après moi à cause de ça? J'ai peut-être fait péché les autres. Là, j'ai péché. Okay? Donc, c'est peut-être pas que passer sur le stop qui est à péché, comme j'ai fait sacrer les 3-4 alentours qui est à péché. Donc, il ne faut pas mettre la loi, prendre la loi humaine qu'on a faite, puis dire, maintenant, si je n'obéis pas la loi humaine, automatiquement, je désobéis à Dieu. C'est pas toujours un équivalent. Pas toujours un égal, ça, cette affaire-là. Il faut faire attention, puis de juger. Puis des fois, si on ne le sait pas, d'en parler avec d'autres, parce que des fois, on est biaisé, parce qu'on voudrait que ça ne soit pas péché, là, on va être correct. Mais d'en parler avec deux, trois, vous dire tout ce que tu en penses. Puis des fois, j'ai d'en parler avec des avocats, des gens chrétiens qui sont. Ils disent, même si tu passes en cour, le juge ne te condamnera pas. Parce qu'il y a un bon sens en arrière de ça, là, quelque part, à avoir. Donc, fait que, si c'est, quand c'est péché, quand je suis un principe biblique, doit être applicable 24 heures par jour, 7 jours par semaine, dans toutes les générations, dans tous les siècles, dans tout le temps, jusqu'à quand Jésus revienne. Un principe biblique, c'est un principe biblique. Et si je ne le fais pas, c'est un péché. Ça, c'est un principe biblique. Le restant, c'est des principes humains. Il faut faire attention pour ne pas d'en faire de ces principes humains-là des principes bibliques. OK? Puis dis maintenant, si je ne fais pas ça, je fais un péché. Non, non. Si demain matin, la ville est déserte, je ne fais pas mes stops, je ne m'en passe tous les stops, je ne m'arrêterai pas. Parce que c'est pas un péché, c'est pour garder une certaine ordre, puis on dit, bien, chacun notre tour a passé, puis on fait attention pour ne pas se blesser, on fait ça pour que ça soit plus facile à voyager là, sur les routes. Mais il ne faut pas que je dise maintenant, si je ne fais pas ça, je deviens un pécheur. C'est pas tout à fait. Je garde plutôt mon intention derrière. Okay? Mon intention, si je manque de respect, si je n'aime pas le gars qui au stop, je coupe la route, parce que c'est plutôt le péché, plutôt d'un manque d'amour, plutôt que de dire, j'ai passé sur un stop. Comme ça. OK? Puis dans le côté de la loi de la route, c'est pareil pour moi. Je crois qu'il y a un bon sens. Si tout le monde roule à 110, moi je roule à 110, puis m'en vais avec eux autres, je fais attention, pour ne pas me faire mal, pas faire mal à ma famille, puis pas faire mal aux autres. On a un bon sens. Okay? Puis je dois avoir le bon sens pour moi. Moi, je suis peut-être plus dangereux à 100 que des personnes à 120 sur la route aussi. Donc, faut faire attention pour ne pas embarquer. Mais en règle générale, les lois qu'on s'est données en tant que société, c'est pour créer une certaine harmonie, pour fonctionner en société, fonctionner en groupe. On est 10 000 dans le même petit trou de 2 km². Bon, on va se donner des règles pour que ça fonctionne mieux. Mais il ne faut pas faire de ces règles-là des lois, des principes bibliques, dire maintenant, si on ne les fait pas, on est pécheurs. Non, il faut faire attention. Parce que tout ce que l'homme peut changer, c'est pas Dieu, ça. Ouais. Tout ce que l'homme peut changer, c'est pas Dieu. Non. Même matin, la loi peut être tombée à 70. Ou monter à 120. Ça, c'est l'être humain qui se donne ces lois-là. C'est correct, c'est bien, comme ça. Puis, en règle générale, je dirais que les lois ont un bon sens. Si je passe dans une rue jusqu'à des écoles, c'est un bon sens de descendre à 30-40 km. C'est un bon sens. Bon, mais si me détruit à 30-40 sur un highway, de 5 voies, je dirais, hey, je vais rouler. Mon avis, tu sais, je ne roule pas à 30, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils font là. L'ensemble des citoyens ont un bon sens en arrière de ça. Donc, normalement, on suit les règles qu'on s'est données en tant que société. Mais il ne faut pas devenir trop pointu. Parce que des fois, je vais condamner quelqu'un parce qu'il ne fait pas. Puis c'est moi qui deviens pécheur en le condamnant. Puis lui, il n'a peut-être pas péché tout en le faisant. Donc, il faut faire attention de nous autres à ce qu'on fait. Mais une chose certaine ici, c'est qu'on rappelle que même si les magistrats qui étaient là à ce moment-là étaient des persécuteurs de l'Église, des gens qui étaient vraiment rebelles à l'Église, ils disent, soyez soumis pareil. Soyez soumis pareil. Ça veut dire, pas faire tout ce qu'ils vous disent, mais faites tout ce que vous pouvez pour les aider à faire ce qu'ils devraient faire. Gardez l'ordre, gardez la paix dans la société. Et donc, c'est dans ce sens-là que je le vois plutôt que d'obéir autant que c'est valable devant Dieu et d'être prêt à toute bonne œuvre à leur égard, ces gens-là. Donc, comment est-ce que je peux faire pour leur faire du bien? Moi, des fois, quand je marche dans ma rue, je m'en vais chez nous. S'il y a un papier à terre dans la rue, je le ramasse, je le mets dans la poubelle en chine. Ma femme m'a dit, voyons, non. J'ai dit, si tout le monde ramasserait son papier, ça nous coûterait peut-être 100 000 piastres de taxes de moi. On aurait peut-être chialé. Mais personne ne veut les ramasser, on les laisse là, puis on en jette un de plus à faire des fois même. Mais si on le ramasserait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider à ce qu'il y a plus. Mais ça, on ne s'en préoccupe pas. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour moi que je me préoccupe d'être humain comme ça. Mais plutôt de dire, qu'est-ce que je peux faire pour le gouvernement pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, personnellement, je dis, on est dans un gouvernement qu'on. Oui, on est loin d'être parfait, mais on est gâté pour lui, puis on ne sait pas. On est dans un pays de très grande liberté, de très grande prospérité, puis on se trouve ça en fait toujours comme, dans ce sens-là. Il dit, ne médire de personne, donc faisons attention comment on parle du gouvernement, hein? Ne médire de personne, donc là, on garde ça dans le contexte, un petit peu de ça peut-être. D'être pacifique. Donc, je me souviens un moment donné, il y avait rentré chez nous des Bérablins. Vous souvenez-vous de ces Bérablins? Mm-hmm. C'est du crédit social, ça, dans le temps. Puis il passait à la maison avec, toujours avec un Bérablin. Puis les autres étaient anti-gouvernement. Ils étaient anti-gouvernement, ils étaient toujours. Ils étaient arrivés chez nous comme ça, puis j'étais habitué dans le temps. Puis là, ils commencent à dire que le gouvernement ne jouera plus. Ils demandaient que le gouvernement donne 10 000 piastres aux femmes qui restaient au foyer. Mm-hmm. C'était cette course-là, ça. Puis j'ai dit, monsieur, je dis, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon de faire les choses. C'est comme ça. Tu veux pas l'avoir 10 000 piastres? Ben, je vais dire une surprise. J'ai 6 enfants, puis je reçois déjà 11 000. Fait que je dis, il ne faudrait pas te baisser à 10 000. Je reçois déjà 11 000. Même pour ta femme, plus. Mais je trouve qu'ils m'aident déjà beaucoup. Je reçois déjà 11 000. En allocation familiale, pas toutes sortes de parce que j'ai 6 enfants. Donc, j'ai dit, mais c'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'il y a des méthodes de faire les choses qui seraient meilleures que ça. Il y a des méthodes que la société nous donne pour faire des plaintes auprès du gouvernement. Vous faites des pétitions, allez au gouvernement. Là, je vous promets des portes à porte, puis je dis, vous parlez contre les gouvernements. Vous détruisez les gouvernements continuellement. Puis je dis, il me semble, c'est des gens rejus comme vous autres. La Bible, elle nous dit de prier pour nos gouvernements, de faire du bien au gouvernement. Je dis, je ne comprends pas que vous passez par les portes, vous les détruisez. Je n'accepterai pas ça ici. Donc, soit que vous voulez, on peut prier ensemble pour le gouvernement. Mais j'ai dit, je ne vais pas vous écouter pendant une demi-heure pour débiter le gouvernement. Parce que je dis, monsieur, vous avez probablement raison, peut-être en grande partie de ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas à moi, il faut le dire. Allez dire aux gens qui sont placés en place pour ça. Il y a des cadres qu'on s'est donné, des plaintes au gouvernement. Allez voir votre ministre, allez voir votre député, allez voir vos gens, puis faites-là vos plaintes. Mais ne promettez-vous pas d'importe en faisant ça. Il était enragé, monsieur. Il a parti, il a claqué à la porte, sorti chez nous. Mais mon but était juste de l'aider à dire, hey, c'est peut-être la bonne méthode. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, on a vu ça tout à l'heure avec les anciens, on a vu ça avec les vieilles femmes, on a vu ça avec les gens âgés, on a vu ça avec les jeunes femmes, on a vu ça avec... c'est toutes les mêmes choses. Être pacifique, modéré. Mais ici, il l'adresse plus vers l'extérieur de l'Église. Là où c'était les anciens dans l'Église, c'était les vieilles femmes, les hommes, les vieillards, c'est plutôt dans l'Église au contexte. Ici, c'est plus, un peu plus vers l'extérieur. Donc, il dit, votre comportement envers les autres du dehors, même s'ils ne sont pas les enfants de Dieu, vous devriez avoir la même attitude, le même comportement envers les autres. Même si vous persécutez, même si vous affligez des fois, ayez envers ces gens-là des bonnes attitudes, de la douceur, soyez en paix autant que vous pouvez avec ces gens-là. Tu sais, toutes les guerres saintes, là, c'était contre les Écritures. Ben, oui, ils n'ont plus le nom de Dieu. Ils n'ont plus le nom de Dieu pour aller. Même les chrétiens ont fait ça. Zwingli, dans le temps de Luther, il a dit d'arrêter de faire ça. Zwingli, il était avec sa masse, puis il rentrait dans toutes les églises catholiques et cassait tout ce qu'il faisait. Il était contre. Il était contre toute icône. Il voulait toutes les icônes. Puis Luther disait non, c'est pas la bonne méthode de faire. Zwingli, il a fait pareil. Il a détruit, je ne sais pas comment. OK. C'est sûr, il a pas fait de façon pacifique. Pacifique. Mais une chose qui va nous aider à agir de même envers les inconvertis, même s'ils nous feraient du mal, même s'ils se moquent de nous, même si des fois ils nous dirigent dans certains domaines, puis on sait que leurs lois peuvent être même contraires à la Bible des fois. Mais on ne devrait pas laisser ces choses-là nous empêcher de les aider. Parce qu'il dit au verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Donc, il dit, une des façons qui va nous aider à avoir une bonne attitude envers les convertis, c'est de se rappeler qu'on était comme ça. Hein? Et il dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos bonnes œuvres, parce qu'on vient de voir qu'on était désobéissants, égarés, pervertis, et que nous avions fait, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de son esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. C'est la parole, cette parole est certaine, et je veux que tu l'affirmes, ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, elles s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ce qui va nous aider, c'est si on a changé, si on a une meilleure attitude maintenant, c'est parce qu'on a été régénéré. Okay, il y a eu un miracle de fait dans notre vie. Pas à cause qu'on méritait, pas à cause qu'on était meilleur que les autres. Ah ben Dieu, il m'a fait ça parce que... Non. Dieu dit, vous étiez comme eux autres. Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, il est venu par le Saint-Esprit et il vous a régénéré. Il vous a transformé. C'est pour ça que maintenant, vous ne voyez plus les choses de la même manière que vous. Oui, on fait des choses qui sont mal. Mais on les appelle maintenant, nous autres, mal. Péché. On le confesse, on demande pardon. On essaie de réparer autant que possible. On prie pour pas que ça se reproduise notre vie. Donc, notre attitude est différente envers ça. C'est plus, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. C'est pas, on va prendre les armes, on va les tuer le gouvernement. Non, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le gouvernement? À travers, même s'ils nous persécutent, qu'est-ce que je peux faire de bien envers cette personne-là? Donc, c'est vraiment une... Ça va nous aider à se souvenir. Oui, on est différent maintenant. Oui, on ne veut plus la vie de la même manière. Mais c'est pas à cause de nous. C'est à cause de ce que lui a fait dans notre vie. Hein? Donc c'est, et là, ça va nous aider à être humble, à être pas condescendant, mais à être se voir sur le même niveau qu'eux autres. Vraiment, les approcher en disant, oui, on, je ne vois plus la même chose, mais c'est pas à cause que je me pense meilleur. Il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de leur dire. On a tendance à leur dire qu'ils ne font pas correct, puis qu'on ne leur dit pas que nous, c'est à cause de la grâce de Dieu qu'on ne le fait pas. On ne leur dit pas ça. Et là, les autres, ils pensent qu'on pense qu'ils sont... Oh, ils se pensent meilleurs que moi. Là, ça les révolte, ça les frustre, ça les fait grincher les dents. Ils sont fatigants, là, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous autres. Parce qu'on a oublié de leur dire, si on n'est plus pareil, là. Moi, souvent, j'ai dit ça aux commencé. Écoute, j'ai fait la même chose que toi, ça m'arrive encore de faire la même chose que toi. Mais c'est pas correct. Et je ne me mets pas à dire, fais pas ça parce que c'est pas correct, puis Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Il faut que je me mette au même niveau. Mais dire, c'est la grâce qui fait ça. C'est Dieu, dans sa grâce, m'a montré, m'a fait voir des choses. Et c'est à cause de ça maintenant que. Je ne veux plus le faire. Mais ça m'arrive encore même de le faire. Mais je dis au Seigneur de me pardonner à ce temps-là, puis de m'aider à continuer, puis de plus le recommencer. Donc, sinon, il va voir que tu n'es pas meilleur, mais tu as une autre attitude que lui dans la situation. C'est, des fois, c'est ça qu'il a besoin de voir. Parce que s'il nous regarde assez longtemps, vous savez bien qu'ils vont trouver les coquettes noires, ils vont en trouver. Voyons, ils vont en trouver. On est pécheurs, ils vont en trouver certains. Mais si on leur prend le temps de dire, oui, Je te dis que ça, c'est pas correct, mais je te dis que ça m'arrive souvent, que ça, même que nous, on le fait, mais c'est pas correct. On peut-tu s'encourager à pas le faire? On peut-tu prier l'un pour l'autre pour pas le faire? Tu sais, donc, ça va être bien différent. L'attitude va être bien différente que de dire vous autres faites toujours mal. Puis, parce que l'Église a tendance à condamner le monde. C'est ça, c'est accusateur. Je vous ai dit, quand j'en ai parlé une fois, quand on a parlé, je pense, de Romain, quand j'ai rencontré les homosexuels pendant toute la question du mariage, là, puis des mariages gays. Je demandais aux homosexuels, avez-vous l'impression que l'Église vous aime? Et la réponse a été toujours non. Non. Non. L'Église, en quand même, l'Église. L'Église, at large. L'Église, c'est les religieux qui étaient contre ça, en général. Plus les gens étaient religieux, plus ils étaient contre le mariage des homosexuels. Parce qu'ils font pas la différence entre accuser la personne et l'action. Oui. Mais c'est parce que c'est pas juste l'action, c'est l'attitude qui est en arrière. Le ton de la voix quand on parlait, quand on entendait à la télévision, c'était pas évident. Moi, je recevais plein de courriels là, de chrétiens contre ça. Puis, des fois, ce qu'ils disaient, justement, je voulais pas, j'aurais pas dit ça à un inconverti. Mais c'était sur Internet, tout le monde avait accès à ça. Donc, les inconvertis, allez lire ça. Mais c'est ça que les chrétiens pensent. C'est ça que les chrétiens pensent. Ils pensent, qu'ils sont meilleurs que nous autres. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, le chrétien fait l'erreur de juger l'action au lieu de la parole. Tu sais, c'est pas la personne. Tu sais, il condamne la personne au lieu de condamner le péché, l'acte. Mais même si tu condamnes la personne, je l'ai dit dans mes campagnes, dans mes conférences sur l'évangélisation, condamne-toi avec lui en même temps. Je suis autant pécheur que toi. Je ne suis pas meilleur. Je suis sauvé par grâce. Je ne suis pas meilleur que toi. Ouais. Je suis aussi condamnable que toi. Parce que je fais des péchés. J'ai dit à un homme, il dit, il n'y a pas d'homme avec une sexualité parfaite sur la terre. C'est question de jeu de mots. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité, mais je ne condamne pas la personne. Oui, mais moi, je ne suis pas capable de condamner. Je suis pas, ouais, mais bibliquement parlant, tu ne peux pas démontrer ça, comme tu le dis. La Bible condamne la personne, jamais l'action. Parce que l'action vient du cœur de la personne. C'est la personne qui est mauvaise et non pas l'action. Parce que ouais, je comprends. Tu peux faire la même action, ce n'est pas péché pour toi. Parce que ton cœur est droit dans ce que tu vas faire. Ouais, ouais, l'action n'est pas ce n'est pas l'action des problèmes. Jésus dit c'est votre cœur qui est pourri. C'est votre cœur. C'est du cœur que sont les adultères. Et c'est là que ça devient. Mais l'inconverti, ça y fait rien qu'on le condamne si on se met sur le même pied d'égalité. Okay? Moi, j'ai déjà dit à des homosexuels, telle sexualité, qui selon ma compréhension de la parole de Dieu, n'est pas conforme à ce que Dieu demande. Mais je ne te dirais pas que la mienne est parfaite non plus. Non? Okay? L'adultère, c'est pas parfait, c'est pas correct non plus. Là. Dieu condamne les deux. Là. Mais nous, on a tendance à penser que ça, c'est pire que ça. Donc, j'ai dit, on n'est pas meilleur, il n'y a pas d'homme ou de femme sur la terre qui ont une sexualité parfaite. Mm-hmm. Non, ça n'existe pas. Fait, toi, tu as manifesté ton péché dans cette direction-là. Moi, j'ai manifesté dans une autre direction, mais c'est le même péché. Mais la Bible ne condamne pas l'homosexualité? Oui. Bon, c'est ça que je dis. Pas l'homosexualité, elle condamne l'homosexuel. Parce que c'est un pécheur. Oui, oui, certainement. Okay? C'est juste question de comment on peut... Oui, mais je crois que... Mais elle condamne aussi le voleur. Oui, oui, certainement. Mais je dis, pourquoi qu'on ne part pas des campagnes contre non, le voleur? On parle d'homosexualité. Ouais. Non, mais je veux dire, dans notre société, ce qui est pédophilie, ce qui est homosexuel, c'est une coche plus haut, plus mauvais que d'autres choses. Comme l'alcoolisme. Oui, ça, c'est plus... C'est une maladie, ça. C'est une maladie, ça, l'alcoolisme. C'est, on a tendance à... On est beaucoup plus tolérant, là... Qui est là. Ah, ouais. Ah oui, beaucoup plus. Pour les enfants, tout ce que tu fais aux enfants aujourd'hui, c'est tolérance zéro. Zéro. Ouais. Mais vol, tolérance 30%, 40%, 50%. Voler le gouvernement, c'est pas voler. Mentir, ça, c'est pas si mal. Du mensonge blanc. Si il ne fait pas de monde, la sexualité, si l'autre est consentant, c'est pas grave. Là, on justifie devant Dieu la débauche, la pédophilie, on justifie un paquet d'affaires. Mais moi, je suis d'accord à condamner l'homosexualité et le mariage homosexuel. Mais en même temps, on aurait dû marquer dans notre affaire, hey, vous n'êtes pas pire que nous autres qui faisons d'autres péchés. Et qu'on devrait être condamné aussi. Okay? Donc, il faudrait le donner une balance à quelque part quand on leur parle pour que la personne dise, oui, j'ai un problème, mais lui aussi a un problème. C'est pas, je ne suis pas le problème. Comprends-tu? Donc, moi, j'ai déjà entendu des pasteurs que l'homosexualité, c'était le bottom pit, c'était le fond du trou. Tu ne peux pas être pire pécheur que d'être homosexuel. Ouais. Je dis, hey, ça passait sur les ondes radiophoniques, puis des millions de personnes écoutaient ça. Fait, comment tu penses qu'ils se sentent, ces gens-là, quand ils écoutent ça? Dans l'Église, ils sont corrects, puis nous, on n'est pas corrects. Ouais. Ça, je dis, c'est de contrebalancer quand on parle que la personne dise, oui, il dit que je ne suis pas correct, mais il dit que lui aussi n'est pas correct, puis qu'il a été sauvé par grâce. Okay? Donc, ça contrebalance l'affaire. Je me dis, ah, et comme ça, c'est oui, ok, je comprends ce que tu me dis. Je suis pas d'accord. Selon moi, Dieu dit non à ça. Moi, je le faisais lire Romains 1. J'aimerais lire Romains 1. Il dit, regarde ce que Dieu en pense. C'est pas François. Regarde, tu m'as demandé, regarde ce que Dieu en pense. Et tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais voici ce que Dieu en pense. Et ils sont tous capables de voir que Dieu est contre. Il est contre l'homosexualité. Même qu'il condamne ces homosexuels-là à la perdition éternelle s'ils restent comme ça. Donc, j'ai dit, mais je montrais d'autres passages où des homosexuels avaient été pardonnés et sauvés. Il dit, vous étiez comme ça, maintenant vous avez été régénérés, vous avez été lavés. Donc, j'ai dit, tu peux être lavé toi aussi, même. Ouais. Mais tu peux pas dire, je suis correct dans ce que je fais. Mais non. Ça, fait que tu peux être lavé puis de ton péché. Comme moi, je peux être lavé du mien. Mais si je vais être capable de parler comme ça avec eux autres, en autant que je me rappelle que j'étais comme ça, pécheur perdu, J'ai été gracié, régénéré. Maintenant, je vois la vie différemment. Mais c'est grâce à Dieu, c'est pas à cause que moi, j'étais meilleur que j'ai fait ça. Mm. Il faut que je donne la gloire à qui ça revient. Et là, la personne, absolument, ils ont moins tendance à nous rejeter si on parle de même que de dire ce que tu as, c'est pas correct. Moins jugé. Mais s'ils se sentent jugés, ils se sentent jugés par un égal. Mais s'ils se sentent jugés comme ça, ça fait mal. Oui, là, il pense que c'est correct, puis qu'on est là. Lui, ce qu'il va faire, il va se dire, puis toi, tu penses-tu meilleur? Regarde ce que tu fais. C'est ça qu'il va faire. Puis il va avoir raison bien souvent. Mais si j'y parle d'égal à égal, deux pécheurs, un pas sauvé, l'autre sauvé. Là, ça fait une différence. J'étais un pécheur comme toi, là, puis j'ai dit ça combien de fois à des inconvertis. Je suis pas en train de. Je suis un pécheur comme toi, madame. Et dans le monde, il y a des pécheurs sauvés puis des pécheurs condamnés. Puis j'étais longtemps pécheur condamné, maintenant, je suis un pécheur sauvé. Et tu peux l'être aussi. Je suis meilleur que toi. Là. Puis là, la soupape baisse, la pression baisse parce que c'est pas. Parce que dans leur tête, moi je me souviens. Je me souviens que j'étais pas sauvé. Ça se passe tout meilleur que nous autres, moi. Ça se passe tout meilleur que nous autres, ces religieux-là. Mon beau-père, quand je lui ai parlé que j'étais sauvé, il dit, tu te penses meilleur que nous autres, il dit, tu es un perdu pareil que moi, parce que ça. Ils comprennent pas pourquoi on dit ça comme ça. Là. Pour eux autres, quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui est bon. C'est un saint. Là, toi, si tu dis que tu es sauvé, lui, tout ce qu'il comprend dans sa tête. Il se pense bon, anticipé, ce gars-là. Puis là, juste ce que ça fait, il n'écoute plus. Parce que il se prend pour un autre, le gars, c'est une espèce d'orgueilleux. Et si on commence par parler de nous, puis faire attention à comment on parle, ça va faire la différence. Puis c'est pas qu'il dit ici, dans ce contexte-là, d'obéir, d'être soumis, de faire du bien. Car nous aussi, nous étions. Rappelez-vous ça, n'oubliez pas ça. Quand vous franchissez la porte de la maison, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Même on peut l'appliquer dans ton cas avec ton mari qui n'est pas chrétien, nos enfants qui ne sont pas chrétiens. Moi, ma fille, des affaires là, que je pourrais tomber dessus et dire, hey, c'est pas. Là, en fait, des affaires, des fois, je suis obligé de me retenir et dire, tu sais que je ne suis pas d'accord, C'est mal ce que tu fais, c'est mal. Mais j'ai dit, mais je peux pas t'appuyer là-dedans, je peux pas t'aider là-dedans. Je peux t'aider d'une autre manière si tu veux, mais je peux pas t'aider là-dedans. Et tu sais que je n'approuverai pas ça. Je ne suis pas meilleur que toi, je fais des baffes, tu as vécu 26 ans, mais moi tu sais que je ne suis pas correct. Mais je n'appellerai pas bien ce qui est mal. Et donc, il faut qu'on soit capable de leur dire ça à nos enfants aussi, à tous les inconvertis, dans le fond, que, j'étais comme toi, là. C'est ça, c'est ce qu'elle veut dire. C'est, elle se souvenait qui on était, elle se souvenait qu'on est changé à cause de la grâce, ça nous humilie, et là, ça nous donne une meilleure position avec les inconvertis. Parce que, je vous dis, la réputation de l'Église, large, les convertis, ils ne séparent pas les églises. C'est l'église. Elle est prétentieuse. Elle est orgueilleuse. Elle se pense meilleure que nous autres. Mais elle n'est pas meilleure que nous autres. C'est ça. Fait qu'on on est comme handicapé avant de commencer pour leur témoigner. On est handicapé en partant. OK? Et cette parole est certaine. Je veux que tu l'affirmes, ces choses, afin que ceux qui ont cru s'appliquent parce qu'il est bon Dieu. Donc ça, c'est utile. Donc, si je vis comme ça, j'ai une vie autant que je peux exemplaire devant les inconvertis. Et si je ne fais pas ce que Dieu me demande, je répare le mieux que je peux. C'est aussi être exemplaire. Et je m'approche des autres étant humble et je donne la gloire à qui que ça revient, okay? À Dieu. Quand les gens disent vous êtes du bon monde, non, on n'est pas du bon monde. On est du monde gracié. Nous autres. On est du monde qui, Dieu, dans son amour, nous a pardonné. Puis il nous pardonne encore chaque jour parce qu'on pêche encore toujours. Donc, on redonne la gloire à Dieu au lieu d'accepter une fausse. Parce que les autres, ils nous regardent et ils pensent qu'on est des bonnes personnes. C'est vrai, parce que selon les autres, là, on ne vole pas, on ne tue pas personne, puis on n'est pas des drogués, des soulards. Donc, écoute bien là. Je suis juste. Dieu m'a utilisé pour t'aider, mais je ne suis pas plus que ça. Il faut faire attention. Il faut vraiment redonner la gloire à qui ça revient dans ce sens-là. Verset 9. Mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Si on parle probablement de la loi juive, là, parce qu'il y avait des problèmes au niveau des juifs, hein, c'est parce que les ceux qui étaient là, les anciens, là, c'était des juifs là, qui étaient là. Il dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque les divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque c'est fini, on va arrêter là pour le moment. Donc, j'ai marqué la troisième chose. il faut en tant qu'Église être conséquent. Si ce qui se passe au sein de notre Église n'est pas conséquent avec ce qu'on prêche, il faut réagir, nous, en tant qu'Église. Okay? Il ne faut pas permettre dans l'Église quelque chose qu'on condamne, dans nos dialogues, dans nos conversations. Donc, il faut que dans l'Église, on réagisse envers les gens, ceux qui disent « éloigne de toi après un premier et un deuxième avertissement ». C'est la discipline de Matthieu 18, c'est aussi dans un sens. Dis, éloigne-les de l'Église, ces gens-là. Parce que s'ils restent dans l'Église et vous ne faites rien, les gens du dehors vont penser que vous acceptez ça. Ouais. Okay? Que vous êtes, c'est correct, cette affaire-là. Mais là, attention, on fait ça avec les gens qui sont dans l'Église, qui sont des chrétiens, qui sont, si on est converti, il faut avoir un petit peu de nuances. Okay? On est converti dans l'Église, c'est un visiteur, c'est un petit peu visiteur. Quelqu'un qui se déclare chrétien, qui est baptisé, là, on va agir différemment. Fait que, ici, l'Église a été souvent condamnée parce qu'elle n'a pas réagi. Souvenez-vous de Joseph Braca qui venait quelquefois. Oui. Il était parti de l'apôtre de l'amour infini parce qu'il avait vu de la pédophilie dans le groupe. Puis ils n'ont rien fait. Ouais. Ils ont laissé les pédophiles en place, sans les enlever de la place, sans dire rien. Et lui a quitté le mouvement à ce moment-là. C'est ce que je veux dire? Puis moi, ça fait la même chose que j'étais à l'école, que j'ai vu l'homosexualité à l'école, que j'ai vu les frères s'enivrer les fins de semaine, la cachette. Puis d'autres, devant nous autres, il y a tous des petits saints, tu sais, là. Des petits saints. Puis nous, on nous appelait à être des petits saints, tu sais, dans le fond. Il ne fallait pas boire, il ne fallait pas fumer, il ne fallait pas rien faire. Puis, mais eux autres, pendant toute la table, on faisait le ménage dans nos chambres, on passait à 22 de coups. On se penchait 25 à 24 en dessous dans du lit. Le prêtre, à un moment donné, est venu servir la messe, chanter la messe, chaud, ivre, assez qu'il a surtout vu de l'envoyer dans une place pour se faire désintoxiquer. Donc, nous, les jeunes, là, ils nous appellent à faire une vie qui ne vivent pas eux-mêmes. Moi, j'ai quitté l'Église catholique à ce moment-là. Sorti du collège, j'ai dit, vous, ben, il n'y a personne qui peut accepter ça, là. On ne peut pas accepter ça. Des gens qui, s'ils auraient dit, on a des problèmes, puis on s'occupe des gens qui ont des problèmes. S'il y a quelqu'un ici, s'il avait dit, je ne sais pas moi, du haut de la chair, au commencement de l'année, s'il y a des gens ici qui veulent vous toucher, qui veulent faire telle fois, dites-nous-le, puis on va faire de quoi. Ça ne se fait pas, cette affaire-là. Et on le dit, et là, ces gens-là sont envoyés à se faire soigner, ou sont repris, sont réprimandés. Alors, on verra qu'il y a une conséquence. C'est conséquent, ce qu'ils disent. Ouais. Mais. Tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Parce que moi, j'ai vu que ça à l'Église. Et par amour, on va les garder. Ouais, par amour, on va manifester de l'amour pour eux. Mais ça ne se guérit pas, en plus. Parce que j'ai eu des problèmes avec l'Église. Je crois que ça se. Si la personne. Si ça ne se guérit pas, ça s'avoue que c'est mal. Ça se confesse. Ça se sait. Nous, il y avait un homme à Vitréville qui avait été. Il s'est converti, puis il avait déjà été arrêté. Il a fait de la prison à cause de ça. Pédophile. Et quand on a su ça, maintenant, on ne l'a pas placé à la garderie. Voyons donc. Même s'il l'a demandé, on a dit, on l'a rencontré, les dirigeants de l'Église, on l'a rencontré. Ils ont envie de savoir ça. Ils ont condamné pas. Tu l'as reconnu, c'est péché, tu as payé ta dette dans le sens que tu as donné. Maintenant, ici à l'Église, c'est pas permissif. Si tu fais quelque chose, le moindrement qu'on a une plainte d'un enfant ou d'un parent, t'es out. C'est vraiment. On voulait. Et il l'a su tout de suite, ça n'a pas été long. Puis. J'ai dit, autant que possible, va pas avec des enfants tout seul, va toujours avec des parents, va toujours avec des adultes, va toujours. Fait que dis, protège-toi, puis protège. Parce que même si tu feras rien, les gens le savent, vont penser que tu fais quoi. Ouais. C'est comme si tu étais un homosexuel de longue échéance, tu te convertis. Tiens, tu vas pas être des petits gars de 15 ans tout seul dans des classes. Ils vont avoir de la misère à comprendre ce que tu fais là. Même si tu es en tête près de Dieu. Hein? Et le chrétien ne devrait pas penser mal, mais ça se peut bien qu'il pense mal. Donc, il faut faire attention que dans l'Église, on réagisse avec les croyants qui ne veulent pas appeler péché ce qui est péché. Okay? Qui ne veulent pas réagir. Pas avec les croyants qui pêchent, parce qu'on a tous les chrétiens qui pêchent. Mais les chrétiens qui ne veulent pas avouer qu'ils pêchent, qui ne veulent pas avouer que c'est péché ce qu'ils font, qui ne veulent pas travailler dessus. Donc, si tu tombes dans l'adultère, tu l'avoues, tu demandes pardon, on continue. On va t'aider le mieux qu'on peut, on va te donner des cours, on va faire de quoi, on va te suivre, on va prier avec toi. Mais tu l'as reconnu, tu veux qu'on fasse. Mais si tu le recommences à toutes les fins de semaine, on va peut-être aller un peu plus loin dans notre façon de faire les choses. Mais l'Église doit être conséquente avec ce qu'elle proclame. Donc, autant dans notre maison, là, si on est des chrétiens dans toute la maison, famille des chrétiens, on devrait vivre dans la famille avec ce qu'on est. Si les choses se font dans la famille et c'est des chrétiens, Margot, je l'ai mis en discipline parce qu'il faisait des choses pas correctes. Donc, avant d'aller à l'église, je voulais que je fasse dans ma maison, à moi, ce que je voulais que je fasse. Donc, c'était pas dire, je vais faire l'église, je ne le fais pas chez lui parce que c'est mon gars. Sinon, c'était mon gars et il était chrétien. Okay? Mon autre gars faisait la même chose, mais il n'était pas chrétien. Donc, on n'a pas fait la même chose avec lui. C'est une autre affaire parce que lui n'était pas chrétien. Mais on a agi envers lui comme un non-chrétien. On l'évangélisait. Donc, nous, il disait que c'était pas correct puis qu'il devait se repentir de ça. C'était pas la même. Mais mon autre garçon qui était chrétien, ah ben là, c'était une autre histoire. Okay? Lui, il faut dire l'éloigner de nous. On est éloigné de nous. C'est, ça n'a pas été évident pour la famille. Pas été évident pour notre famille. Et, famille, mon épouse, mes enfants, mais aussi la famille de l'Église, parce que ça s'est fait aussi dans l'Église, finalement, parce qu'ils aiment le dessus. Il faut lui mettre ça devant toute l'Église. Et, mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Mais ça a été une bénédiction à long terme. Ça a été une bénédiction à long terme. Pour eux autres, probablement, premièrement, lui, la madame, la femme qui était avec. Et aujourd'hui, ils fonctionnent très bien en Seigneur. Mais le but, c'est ça, c'est de les amener à la repentance. Non, c'est ça. Ce qu'ils voient, le but, ce que je comprends, c'est qu'ils comprennent, eux, que Dieu n'est pas en accord avec ce qu'ils font. C'est et c'est pas, Dieu va parler à travers l'Église. C'est l'Église qui donne la parole de Dieu. Tu que Dieu va dire, ce que vous allez lier, je vais lier, ce que vous allez délier, je vais le délier. C'est parce que si. On va lier parce que les gens ne veulent pas se repentir du péché. Ils veulent, donc, ce que nous, on condamne ça. Mmh. Donc, c'est Dieu est en train de dire à ce chrétien-là, par la bouche de l'Église, ce que tu fais là, c'est mal. Mmh. Tu fais là, c'est mal. Et tu devrais arrêter de faire ça. Si tu n'arrêtes pas, on va te demander de quitter l'Église. Jusqu'à temps que tu te repentes et que tu reviennes après ça. Mmh. Et quand tu vas te repentir, tu veux nous parler, on est ouvert n'importe quel. Mmh. On est n'importe quel. Donc, tu reviens, tu reconnais ton péché, on te réintègre dans l'Église pour continuer. Il n'y a pas de problème avec ça. Mm. Mais quand on le fait dans l'Église, il faut avoir la main tout de suite avec les inconvertis. Que nous qui le faisons, on les approche en disant ah, on n'est pas meilleur que toi. Mais on appelle péché ce que péché. Et on va prier. Puis si tu viens me voir, toi, tu lui dis tu as péché dans ta vie, il va dire oui, je le reconnais si c'est vrai. Vous savez, je le reconnais. Puis veux-tu prier avec moi? Veux-tu prier pour moi? Je veux vraiment m'en débarrasser. Mais j'ai tombé. Donc, c'est l'attitude à avoir du chrétien. Mais je dis, non, c'est la faute de ça, c'est la faute de elle, c'est la faute de lui. Là, je me justifie que je ne veux rien savoir. Mais deux témoins, trois témoins, ouais. On continue le processus. Et espérant toujours que tu vas comprendre dans ton allant. Et il faut vraiment comprendre, avoir la bonne attitude. Hey, je l'ai déjà fait, ce péché-là, moi aussi. Puis si je te comprends, je l'ai déjà fait. Donc, je veux t'aider là-dedans. Je ne veux pas juste te condamner, je veux t'aider aussi à travers ça. Mm-hmm. Et la plupart des chrétiens que j'ai eu à faire ça, la plupart du temps, ils comprennent. Les chrétiens. Les protestants, ceux qui veulent rien savoir, là, c'est souvent, c'est pas les chrétiens. Hein, qui sont là. C'est des gens qui sont dans l'église, ils sont même pas chrétiens. Mais la part des chrétiens que j'ai visités comme ça, ils disaient, ouais, t'as raison, François, puis prie pour moi, puis François, prie là-dessus. Puis, puis ceux qui ont été obligés de quitter, c'est pas tellement nombreux, peut-être dans mon ministère, peut-être une dizaine sur 25 ans. Et je dirais qu'il y en a au moins 8, si c'est pas 9, qui sont revenus. Mmh. Un 6 mois, un an après. Nous, ça fait 3 ans. Elle était dans l'Ouest chrétien, le gars. Travaillait dans l'Ouest chrétien. Il a fait un voyage au Québec pour venir à l'église. On a fait à l'église à Victoriaville parce qu'ils avaient eu raison de ce qu'ils avaient fait. Mmh. Ils disaient, je viens régler ça. Puis je m'en retourne dans l'Ouest, puis je vais être en paix avec moi-même. Puis en paix. Puis c'est intégré là-bas avec une église là-bas, il fonctionne là-bas. Mmh. Donc, mais vois-tu, là, ils avaient raison. J'étais trop orgueilleux, je ne l'ai pas avoué. Donc, mais. Puis nous, ça nous a fait du bien, juste le fait de voir que, bon, ça l'a aidé finalement. Mm-hmm. Parce que, tu sais, c'est pas évident. Quand tu fais ça, là, il y a des sentiments de culpabilité. Des fois, tu te demandes, on est-tu trop sévère, on est-tu pas correct. Puis là, des fois, les autres chrétiens qui sont des amis, ces gens-là, ils vont dire, hey, j'ai pas d'affaire à faire ça. Puis là, tu sais, c'est pas trop évident. J'ai vu des églises se diviser à cause de ça. Mm-hmm. Parce que certains membres, j'ai vu un membre qui me dit, tu as mis ton gars en discipline, je m'en vais de l'église, t'as pas d'amour. Il est parti. Pas ça que ça fait. Ouais. Oui, c'est pas toujours facile hein, de le faire. Ouais. Je fais pour bien faire, mais c'est pas toujours évident dans ce sens-là. Mm. OK, on va arrêter là pour ce soir. On fait des bonnes œuvres parce que c'est utile aux hommes. C'est utile aux hommes de faire ça.